Bonjour à tout le monde, c'est Gabriel Leblanc qui est avec vous encore aujourd'hui, 27 janvier, pour la continuation de lire la Bible, notre épopée autour de la Bible en un an. Alors, on continue là où on est rendu dans l'histoire de Moïse. Et on aura aussi un psaume, un bout du Nouveau Testament et des proverbes, comme à notre habitude, pardon. Je lirai dans la version français courant aujourd'hui. Exode chapitre 4 jusqu'au chapitre 6 verset 1. Moïse répondit au Seigneur, mais les Israélites ne voudront pas me croire ni m'obéir. Ils me diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. Le Seigneur lui demanda, que tiens-tu à la main? Un bâton. Jette-le à terre. Moïse obéit. Le bâton se transforma en serpent. Moïse s'en écarta vivement, mais le Seigneur lui dit, avance ta main et saisis-le par la queue. Moïse avança la main et l'empoigna. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Le Seigneur dit, voilà de quoi convaincre les Israélites que je te suis apparu, moi, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et maintenant, continua-t-il, mets ta main sur ta poitrine. Moïse obéit. Mais quand il retira sa main, il vit qu'elle était blanche comme la neige, couverte de lèpre. Remets-la sur ta poitrine, ordonna le Seigneur. Moïse obéit. Et quand il retira sa main, elle était redevenue normale. Le Seigneur lui déclara, si les Israélites ne te croient pas et n'obéissent pas malgré le premier miracle, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire et à ne pas t'obéir malgré ces deux miracles, tu prendras de l'eau du Nil. Et tu l'enverseras sur le sol. Cette eau se transformera en sang. Moïse dit au Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue. Et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Le Seigneur rétorqua, qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien maintenant, va. Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse. Envoie quelqu'un d'autre. Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, tu as un frère à Aaron le Lévite. Je sais qu'il est éloquent, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra faire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole et toi, tu seras comme le Dieu qui l'inspire. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire des miracles. Moïse retourna chez Jéthro, son beau-père, et lui dit, il faut que je retourne vers mes frères de race en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. « Va en paix, répondit Jéthro. » Le Seigneur dit alors à Moïse dans le pays de Madian, « Oui, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit donc sa femme et ses fils, les installa sur son âne et partit pour l'Égypte. Il tenait en main le bâton que Dieu lui avait dit de prendre. Le Seigneur lui dit encore, « Je t'ai rendu capable de faire toutes sortes de prodiges. Quand tu seras de retour en Égypte, tu auras soin de les réaliser devant le Pharaon. » Moi, je le pousserai à s'obstiner et à ne pas laisser partir les Israélites. Alors tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur. Le peuple d'Israël est mon fils aîné. Je t'avais ordonné de le laisser partir pour qu'il puisse me rendre un culte, mais tu as refusé. C'est pourquoi je vais faire mourir ton propre fils aîné. Pendant le voyage, une nuit à l'étape, le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. Aussitôt, Séphora prit un caillou tranchant, coupa le prépuce de son fils et en toucha le sexe de Moïse en lui disant « Ainsi tu es pour moi un époux de sang. » Alors le Seigneur s'éloigna de Moïse. Séphora avait dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Le Seigneur dit à Aaron « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit, trouva son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse lui communiqua le message dont le Seigneur l'avait chargé et décrivit les miracles qu'il lui avait ordonné de faire. Ensuite, ils allèrent ensemble réunir tous les anciens d'Israël. Aaron leur transmit le message que le Seigneur avait confié à Moïse et accomplit les miracles devant les Israélites. Ceux-ci furent convaincus. Ils comprirent que le Seigneur avait vu comment on les maltraitait et qu'il intervenait pour les sauver. Alors ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour l'adorer. Après ces événements, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui dirent « Voici ce qu'ordonne le Seigneur Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il aille célébrer une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit « Qui est ce Seigneur à qui je devrais obéir en laissant partir les Israélites? Je ne le connais pas et je ne vous laisserai pas partir. » Moïse et Aaron reprirent « Le Dieu des Hébreux, le Seigneur notre Dieu, s'est manifesté à nous. Permets-nous donc d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices. Sinon, il pourrait nous faire mourir par la peste ou par la guerre. » Moïse et Aaron, déclara le roi d'Égypte, « Pourquoi poussez-vous les Israélites à négliger leur ouvrage? Retournez à votre travail. Maintenant que ces gens sont nombreux, vous voudriez leur faire interrompre leurs activités? » Ce même jour, le Pharaon donna l'ordre suivant aux Égyptiens, chefs de corvée, et aux contremaîtres israélites. « Contrairement à ce que vous faisiez précédemment, ne fournissez plus de paille aux Israélites pour la fabrication des briques. Ils iront eux-mêmes en chercher. Mais vous exigerez qu'ils fabriquent autant de briques qu'auparavant. Vous n'admettrez pas de réduction sur le nombre. Ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils réclament le droit d'aller offrir des sacrifices à leur Dieu. Dès qu'ils seront surchargés de travail, ils seront trop occupés pour penser à ces histoires mensongères. » Les chefs de corvée et les contremaîtres sortirent du palais et allèrent dire aux Israélites « Voici ce qu'a décidé le Pharaon. On ne vous fournira plus de paille. Allez vous-même en chercher où vous pourrez en trouver. Et sachez qu'il n'y aura pas de réduction sur le nombre exigé de briques. » Alors les Israélites se dispersèrent dans toute l'Égypte pour ramasser la paille dont ils avaient besoin. Les chefs de corvée les harcelaient en disant « Achevez votre ouvrage. Vous produirez chaque jour la quantité exigée, comme quand on vous fournissait la paille. » Ils frappaient même les contremaîtres israélites qu'ils avaient désignés et leur disaient « Pourquoi ces derniers jours n'avez-vous pas fourni le nombre exigé de briques comme auparavant? » Les contremaîtres vinrent se plaindre au Pharaon. « Pourquoi le Pharaon traite-t-il ainsi ses esclaves? » lui demandèrent-ils. « On ne fournit plus de paille et on nous ordonne pourtant de faire des briques. On nous frappe même. Ton peuple a tort. Vous n'êtes que des paresseux. Oui, des paresseux, répliqua le Pharaon. C'est pour cela que vous dites, allons offrir des sacrifices au Seigneur. Eh bien maintenant, allez à votre travail. On ne vous fournira plus de paille, mais vous fournirez le nombre de briques exigées. » Les contremaîtres des Israélites virent qu'ils se trouvaient dans une situation difficile puisqu'on leur disait, pas de réduction du nombre de briques. Vous produirez chaque jour la quantité exigée. Au moment où ils sortaient de chez le Pharaon, ils interpellèrent Moïse et Aaron qui les attendaient, en leur disant « Que le Seigneur constate ce que vous avez fait et qu'il vous condamne. À cause de vous, le Pharaon et son entourage nous détestent. Vous leur avez fourni une arme pour nous tuer. » Une fois encore, Moïse s'adressa au Seigneur. « Ô Seigneur, dit-il, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Depuis que je suis allé parler au Pharaon de ta part, il maltraite les Israélites et toi tu ne fais rien pour sauver ton peuple. » Le Seigneur lui répondit « C'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma poigne, il laissera partir les Israélites. Contraint par ma poigne, il va même les chasser de son pays. » Psaume 22, les versets 20 à 32. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Sauve-moi d'une mort violente. Protège ma vie contre la dent de ces chiens. Délivre-moi de leur gueule de lion et de leur corne de buffle. Ah, tu m'as répondu. Je veux donc parler de toi à mes compagnons. Je veux t'acclamer parmi les fidèles assemblés. Acclamez le Seigneur, vous qui reconnaissez son autorité. Honorez-le, vous tous, descendants de Jacob. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. Car il n'a ni méprisé ni rejeté le misérable accablé. Il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel. Seigneur, c'est grâce à toi que je peux te louer dans la grande assemblée. Devant tes fidèles, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. J'invite les humbles, qu'ils mangent tant qu'ils auront faim. Que ceux qui font appel au Seigneur l'acclament et qu'ils aient longue vie. Que les peuples les plus lointains se souviennent du Seigneur et reviennent à lui. Que les familles de toutes les nations s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Car le Seigneur est roi, c'est lui qui règne sur les nations. Ceux qui sont pleins de vie mangent et s'inclinent devant lui. Et devant lui aussi s'agenouillent tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent se maintenir en vie. Leurs descendants le serviront, on parlera du Seigneur à la nouvelle génération, on racontera à ceux qui vont naître ce qu'il a fait dans sa fidélité. Proverbe 4, versets 3 et 4. Moi aussi j'ai eu un père pour m'éduquer. J'ai été tendrement aimé par ma mère. Mon père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles, observe les règles que je te donne et tu vivras. Pour la portion du Nouveau Testament, on commence un nouveau livre. Cette nouvelle lettre est la première lettre de Pierre. Donc 1 Pierre 1, les versets 1 à 12. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez même s'il faut que, pour maintenant, vous soyez attristé pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu, de même que votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyiez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Car cet Esprit, présent en eux, annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils les étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de la Bonne Nouvelle, qui en ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges même désirent le connaître. Seigneur grand Dieu de toute éternité, tu nous as choisis, tu nous as élus. Pierre dit à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé. Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Seigneur, laisse-nous être purifiés par ton sang. Laisse-nous t'obéir. Donne-nous la grâce de t'obéir. Donne-nous la force de t'obéir. Donne-nous la sensibilité de ressentir ton amour et ta grâce à travers diverses épreuves. Tu es fidèle, Seigneur, tu réponds. Et c'est grâce à toi que je peux te louer dans la grande assemblée. Seigneur, personne ne peut te résister, même le pharaon, qui était un homme puissant, qui avait beaucoup de personnes sous sa protection, sous sa loi. Mais tu es au-dessus des rois de notre monde, et par ta providence, tu permets que ton peuple sorte vainqueur au final de cette histoire. Et quand David, dans son psaume, dit « On racontera à ceux qui vont naître ce qu'il a fait dans sa fidélité. » Je pense à Pierre, à Paul, ou à Étienne, qui ont fait des discours devant des gens qui connaissaient la loi. Des discours pleins de ton esprit. Et ce sont des discours, comme David le dit, on raconte ta fidélité depuis toujours envers ton peuple. Ces histoires commencent souvent par le Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte. C'est un moment important dans l'histoire d'Israël, où tu démontres ta puissance, ta grâce. Tu me demandes de te faire confiance, Seigneur, puis tu as tout entre tes mains. Aide-nous à te faire confiance, les yeux fermés, puis à rechercher ce que toi tu veux, et non pas à essayer de croire que nos désirs sont en réalité les tiens. Donne-nous la sagesse de faire la différence entre nos désirs et ta volonté. Et aide-nous à proclamer la bonne nouvelle, comme tu l'as demandé aux apôtres. Amen.